ما قريب نرجع. Y'a pas d'agent magique, non. Quand t'es riche, veux, quand tu veux, tu vois, quand tu veux, quand tu veux. C'est magique. Tu sais qui c'est ici, oh. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you.